Yeah, bienvenue dans le labo de passionnés confusionnés pour donner le tournis à tous ces fous qui disaient que Marseille avait coulé. Je vais leur rouler dessus leur roue et de coups de fou et de flots de fou. Vas-y, le coup, à toi. Bienvenue là où les flots sont dévoilés sans arrêt, déballés sans cesse. On ramène des phrases complexes, on a même des phases qu'on ne peut comparer. Des fois même complètement barrés, décalez-vous, ça va faire boum, allez, cous à toi. Bienvenue là où les flots sortent des doigts, au Toulouse, où les coups de blues et les coups de boule s'écoutent. Là où le fond et la forme roucoulent sur des prods lourdes, où ça découvre la concurrence qui veulent en découdre, à toi. Bienvenue dans notre labo, loin des traîtres et des collabos, loin des mecs qui mènent en bateau, pas de cadeau. Je me démène, m'amène, loin des mêmes qui visent le magot. Armé de mon savoir, je lâche des bastos, c'est des bracos, oui, c'est Soprano R.E.D.K. Dans le labo, rime et flow se mélange, car on est venu creuser les gars. Avec un mélange corrosif pour faire péter tes pattes. Soprano R.E.D.K. On allie le fond à la forme dans la formule C.K. Les gems et les psychas. Ok, poto, j'arrive et pose. La bonne formule qui explose. Tous les micros, toutes les prods et tous les mythos, tous les faux. Avec des punch et des pros, aussi rapide que buzz. Tape pour les mecs en la cause. Ou bien les beaux gosses en constat. Oui, c'est un simple constat. Les partisans de la paix reçoivent des bombes et les gosses cannes. Car pour baiser les pauvres, ils sont malades à la sauce canne. Prix Nobel de la haine et de la guerre qui attise de grosses flammes. Artistes dans le massacre, ils mériteraient des Oscars. On bosse tard et on se bat. Les obstacles n'énoncent pas. Aller là où l'innovation est devenue un obstacle. Un instant, je m'installe. Mon instinct est bestial. Oui, quand il s'agit de mettre du MC dans mon quand il s'agit de rapper, t'as fait frapper sans compassion. Mais dans les règles de l'art, tant que c'est fait avec passion. Pas de cadeau, ni de vieux récits dans le labo. 3, E égale 2 MC. Soprano R.E.D.K. Dans le labo, rime et flow se mélange, car on est venu creuser les cas. Avec un mélange corrosif pour faire péter tes pattes. Soprano R.E.D.K. On a mis le fond à la forme dans la formule C.K. Les gems et les psychas. Soprano R.E.D.K.